Les cinq derniers livres de l'histoire naturelle de Pline traitent de minéralogie et de l'art antique. Il ne paraît pas que l'usage des bagues ait été commun avant le IIIe siècle avant notre ère. En cela comme en tout le reste, le luxe a introduit de nombreuses modes. Les uns ont enchâssé des pierres, jetant des feux exquis, et on a chargé ses doigts du patrimoine, d'une famille opulente, comme nous le dirons dans le livre des pierreries. Les autres ont gravé diverses figures, en sorte que tantôt l'art et tantôt la matière fait de la bague un objet de prix. Pour d'autres pierres, le luxe défend de les entamer. Il commande de les porter unies, afin qu'on n'aille pas croire qu'on se serve de ces bagues pour cacheter. Aujourd'hui, il n'y a pas jusqu'aux esclaves qui n'entourent d'or le fer de leurs bagues. D'autres, de leur propre chef, emportent d'or pur. L'usage était d'abord de porter les bagues d'abord à un seul doigt, celui qui est à côté du plus petit. C'est ce que nous voyons sur les statues de nos premiers rois. Ensuite, on en a mis au doigt le plus voisin du pouce, mode qu'on a suivi même pour les statues des dieux. Plus tard, on eut la fantaisie d'en orner même le petit doigt. Dans les Gaules et dans la Bretagne, on en mettait, dit-on, au doigt du milieu. Aujourd'hui, ce doigt est le seul qu'on laisse libre. Les autres sont chargés. On a même de plus petits anneaux pour chaque phalange.